Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Mathias Pilet, bonjour. Vous êtes artiste de cirque, acrobate, et vous allez nous parler d'un spectacle qui va être accueilli très prochainement sur Cergy Pontoise, à la Nouvelle scène nationale, les 14, 15 et 16 décembre, pour être précis, au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Terabak de Kiev, faut-il dire la bonne prononciation peut-être déjà pour moi? Bah, très bien, oui, Terabak de Kiev, la plupart des gens disent le Terabak de Kiev et c'est très acceptable aussi. Voilà. Alors, il s'agit d'un spectacle de cabaret, mais bien plus que ça. J'ai lu ici et là ce spectacle chaleureux, festif, doucement déjanté, joyeusement burlesque, étonnamment punk et explosivement rock. Si je comprends bien, il y a de la musique et pas simplement pour faire, on va dire, pour ambiancer le spectacle. Non, voilà, tout à fait. En fait, la musique et les numéros de cirque sont intimement liés. C'est une forme cabaret. Qu'on a voulu reprendre, mais contrairement à un cabaret plus classique, on va dire, le spectacle, et on pourrait pas changer de numéro, par exemple, ou on pourrait pas interchanger des numéros comme ce qui est possible dans un cabaret. C'est vraiment un spectacle qu'on a créé avec les musiciennes. Les morceaux sont faits pour les numéros, et c'est vraiment une forme cabaret, mais c'est vraiment un spectacle en soi. Alors, les musiciennes, elles-mêmes, étant un spectacle en soi, c'est un groupe 100% féminin, formé par 6 filles originaires de Kiev en Ukraine, justement, sur l'ambiguïté du titre. C'est les filles de DAC, ça veut dire le nom de ce groupe. DAC Daughters. Écoutez, je ne sais pas. Alors là, vous me posez une colle. On pourrait le traduire ainsi, en tout cas. Donc, originaire de Kiev, assurément, et on les présente alors comme une véritable bombe punk, rap, musique traditionnelle, et pour la dimension punk, assez proche en référence aux Sex Pistols pour les amateurs de cette culture punk. Oui, tous leurs morceaux sont extrêmement rock, souvent très punk. Et elles ont une énergie incroyable et elles portent vraiment le spectacle. C'est le point central autour duquel s'articule tout le spectacle. Chanteuses, musiciennes, comédiennes, multi-instrumentistes. Elles sont très, comment dire, multiples au niveau des talents. Mais en même temps, quand je disais originaire d'Ukraine, c'est l'Ukraine d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, leurs chansons, leur musique ne sont pas sans rapport avec l'histoire actuelle qui se vit en Ukraine. C'est ça, c'est une musique très engagée pour l'histoire. Il faut savoir que la plupart des filles, la moitié au moins des filles du groupe étaient pendant la révolution sur la place Maïdan, et elles chantaient pendant la révolution en Ukraine. C'est vraiment c'est un symbole fort qu'elles portent. Ce sont vraiment des filles qui là-bas sont très connues. Quand on est allé jouer là-bas, on s'en est rendu compte encore plus, quoi. C'est vraiment leur groupe compte parce que aussi justement cette contestation qu'elles portent avec leurs chansons. La dernière chanson du spectacle, Moré, est une chanson qui parle de la mère de Crimée et qui est une chanson qui n'est pas d'elle, qui n'est pas de leur composition, mais c'est un hommage qu'elles veulent rendre à leur pays et à tous les problèmes qui s'y passent en ce moment. Oui, et on imagine qu'elles n'ont pas dans leur cœur Poutine et le pouvoir russe actuel. Pas vraiment, non. Elles chantent l'amour qui meurt, qui renaît aussi, pas simplement effectivement leur Ukraine aimée, au sens, on va dire, politique ou révolutionnaire du terme. Je crois que d'ailleurs, elles ont décidé de s'appeler les révolutionnaires pacifiques. C'est dire qu'elles prônent un certain type de révolution sur le plan plutôt artistique. Bien sûr. Et Elles ont quelques chansons en anglais et la plupart sont en ukrainien. Le metteur en scène Stéphane a fait le choix sur ce spectacle de ne pas traduire les chansons en ukrainien, ce qui permettait au numéro de cirque de mieux vivre et de pas être donner un sens politique ou engagé au numéro de cirque, parce que dans ce spectacle c'est pas exactement la question, mais dans leurs concerts, toutes les chansons sont traduites, et c'est, voilà, on voit vraiment que c'est des filles engagées, et que ce soit des chansons en anglais ou en ukrainien, voilà, elles en voient. Alors, on en vient évidemment aussi à cette dimension du cabaret, un petit peu dans les références à ces nuits parisiennes des années 40 jusqu'au tournant des années 80, c'est-à-dire ambiance multiple, fantasque, voire survitaminée sur scène, avec beaucoup de virtuosité également. Eh oui, c'est vous allez avoir du machinois, du cadre fixe, du trampoline, du monocycle, de la magie. C'est vraiment là dans la forme un cabaret, on va dire, comme dans la grande époque, et on espère dans l'énergie et dans la qualité des numéros. Sur scène, donc, effectivement, tout ce monde se produit donc en direction du public. Le spectacle a quelle durée? Je crois avoir lu 1h45 environ. Voilà, 1h45, et puis parfois on tire un peu plus, parce que sur les saluts on peut il y a parfois des rappels. Voilà, c'est vraiment un spectacle qu'on a essayé de construire de manière à inviter le spectateur à venir avec nous, et ça nécessite un petit peu de temps, et voilà, on espère qu'à la fin de 7h45 les gens sont conquis. Stéphane Ricordel, le metteur en scène, a un lien plus que assuré et assumé avec l'univers du cirque, le monde du cirque et du cabaret. Je crois qu'il a, il y a plusieurs années, il a cofondé la compagnie des Arceaux en 1992. Il a plus récemment créé un spectacle Acrobate, c'était en 2013. C'est dire qu'il est très lié à l'univers du cirque. Tout à fait, c'est avant tout, je crois, un artiste de cirque, et le travail qu'il fait depuis qu'il est directeur au Montfort, que ce soit son travail de programmation sur un théâtre qui aide à porter les arts du cirque, qui présente du cirque, et ses spectacles et les spectacles qu'il a pu mettre en scène, voilà, c'est vraiment un artiste de cirque. Il est à la tête d'un théâtre, mais le cirque est son univers, et je pense pas me tromper en disant à sa place que c'est vraiment ce qu'il aime. Mmh. Vous-même, Mathias Pilet, vous êtes donc ce acrobate, ce artiste de cirque. Vous produisez dans ce spectacle un numéro d'acrobatie. Et j'ai lu des propos dithyrambiques et des éloges en pleuvoir. L'incroyable acrobate, le magnifique acrobate, l'irrésistible Mathias Pilet, qui entraîne les acrobaties les plus improbables, les acrobaties les plus improbables. La presse est assez, je dirais, carrément unanime à votre propos, comme d'ailleurs pour le spectacle lui-même. Juste encore en ce qui vous concerne, Mathias Pilet fait pleurer de rire tout le monde au grand burlesque de l'acrobatie avec son numéro de nettoyeur tous azimuts. Ça, c'était dans Le Monde. Magnifique acrobate qui mêle prouesse technique et poésie burlesque. Ça, c'est dans Le Parisien. C'est dire qu'il y a une unanimité de la presse, spécialisée ou non, c'est plutôt généraliste, sur ce spectacle et sur des artistes comme vous-même. Merci beaucoup. C'est vraiment j'ai un rôle qui dans ce spectacle aide un petit peu à conquérir le public, c'est-à-dire que c'est un personnage qui paye pas vraiment de mine et qu'on n'imagine pas acrobate. Alors voilà, quand il commence à faire des acrobaties, c'est forcément un plus quand c'est une surprise. Oui. Univers burlesque, univers fantasque, je disais, à l'ambiance survitaminée, on a compris effectivement tous les ingrédients. Cependant, effectivement, tout cela rapporté sur une scène de théâtre, est-ce qu'on a une attention particulière pour que le public se retrouve dans une ambiance qui sort peut-être de l'ordinaire d'un théâtre? Écoutez, on investit aussi la salle de temps en temps, et c'est un spectacle qu'on a vraiment créé comme un cabaret dans un chapiteau en bois quand il a été créé au Montfort, où les gens pouvaient manger, boire un coup tout en voyant le spectacle. Mais dès la deuxième exploitation, voilà, on est sorti de cette forme cabaret pour aller dans les théâtres, et c'est une forme qui peut se voir en théâtre aussi. Voilà, c'est pas comme je vous disais, c'est une forme cabaret, mais on la construit vraiment comme un spectacle, de cirque. Et ça se voit tout à fait en salle. C'est même, je crois pas que ça enlève tant que ça à l'ambiance cabaret. Voilà, c'est un spectacle qui a toujours su amener le public, on va dire. On a fait ça dans certains lieux. Alors je sais pas si ce sera possible à Cergy, donc je m'avance pas. Mais parfois le public peut venir sur scène danser avec nous sur la dernière chanson. Donc voilà, c'est vraiment un spectacle où on essaye de venir au contact du public et généralement ça se passe très bien. Dernière chose, lue encore dans la presse concernant le spectacle et au niveau de l'ensemble de ceux et celles qui y participent, partager un moment de liesse débonnaire et imaginative, ça c'est une autre invitation. Que diriez-vous cependant à ceux qui sont toujours un peu réservés quand on leur parle de cirque, par exemple, où on a vu tant et tant de numéros de sangles, de machinois, de trampolines ou d'acrobaties en général? C'est quoi la vraie différence pour dire que vous sortez, on va dire, des sentiers battus et du schéma un peu classique et traditionnel du cirque? Écoutez, en gros, on a vraiment créé un spectacle avec les filles, avec les Dag Daughters, et voilà, c'est un univers là où ça va être pas tout à fait du cirque classique, c'est que les numéros aussi, on pourrait les qualifier de punk pour la plupart. Il y a vraiment une ambiance assez déjantée, c'est ça? Pardon? Assez déjanté sur tous les numéros. Les numéros ne s'enchaînent pas voilà, les uns après les autres. Il y a toujours des scènes entre-temps. Et c'est vraiment l'ambiance générale du spectacle et tout ce qui se passe autour des numéros qui fait sa force autant que les numéros en eux-mêmes, quoi. Donc les numéros de cirque, des gens ont déjà vu du machinois, ont déjà vu des sangles. Là, il y a quand même une dimension qui est vraiment intégrée au spectacle, c'est-à-dire que ce sont pas des numéros classiques. Je voudrais d'ailleurs parler du dernier numéro, qui est un numéro de monocycle, mais de monocycle sur trampoline. Et par exemple, ça, c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un numéro classique. Merci Mathias Pilet, merci, on a hâte évidemment de vous voir en spectacle, tous réunis dans ce spectacle Terabak de Kiev, cabaret donc qui aura lieu les 14 décembre à 20h30, samedi 15 décembre à 20h30 et enfin dimanche 16 décembre à 16h au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Grand merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.